Sainte Bible selon Saint Jérôme, second livre des rois, chapitre 23. Et ils rapportèrent au roi ce qu'il avait dit. Et le roi envoya, et tous les anciens de Juda et de Jérusalem s'assemblèrent près de lui. Et le roi monta dans le temple du Seigneur, ainsi que tous les hommes de Juda, et tous ceux qui habitaient dans Jérusalem avec lui, les prêtres, les prophètes, et tout le peuple, depuis le petit jusqu'au grand. Et il lut, tous l'écoutant, toutes les paroles du livre de l'Alliance qui avaient été trouvées dans la maison du Seigneur. Et le roi se tint debout dans la tribune, et fit l'Alliance devant le Seigneur, afin qu'ils marchassent à la suite du Seigneur, qu'ils observassent ses préceptes, ses lois et ses cérémonies, en tout leur cœur et en toute leur âme, et qu'ils rétablissent toutes les paroles de l'Alliance qui étaient écrites dans ce livre. Et le peuple acquiesça à l'Alliance. Alors le roi ordonna à Helkias le pontife, aux prêtres du second ordre et aux portiers, de jeter hors du temple du Seigneur tous les vases qui avaient appartenu à Baal, au bois sacré et à toute l'armée du ciel. Et il les brûla hors de Jérusalem dans la vallée de Cédron, et il en emporta la poussière à Bethel. Et il détruisit les aurispices qu'avaient établis les rois de Juda pour sacrifier sur les hauts lieux, dans les villes de Juda et autour de Jérusalem, et ceux qui brûlaient de l'encens à Baal, au soleil, à la lune, aux 12 signes et à toute la milice du ciel. Et il fit emporter le bois sacré de la maison du Seigneur hors de Jérusalem, dans la vallée de Cédron, où il le brûla et le réduisit en poussière, qu'il jeta sur les sépulcres du petit peuple. Il détruisit aussi les petites maisons des efféminés, lesquelles étaient dans la maison du Seigneur, et dans lesquelles les femmes tissaient comme des tentes pour le bois sacré. Et il assembla tous les prêtres des villes de Juda, et il profana les hauts lieux où sacrifiaient les prêtres, depuis Gabaa jusqu'à Bersabée. Et il détruisit les autels des portes à l'entrée de la porte de Josué, prince de la ville, laquelle était à la gauche de la porte de la ville. Cependant les prêtres des hauts lieux ne montaient point à l'autel du Seigneur dans Jérusalem, mais seulement ils mangeaient des azymes au milieu de leurs frères. Le roi profana aussi Tophet, qui est dans la vallée du fils d'Hénom, afin que personne ne consacrât son fils ou sa fille par le feu à Moloch. Il enleva aussi les chevaux qu'avaient donnés les rois de Juda au soleil, à l'entrée du temple du Seigneur, près de la salle de Natam-Mélek, l'eunuque qui était à Pharourim. Mais les chariots du soleil, il les brûla au feu. Les autels même qui étaient sous le toit de la chambre d'Akaz, qu'avaient fait les rois de Juda, et les autels qu'avait fait Manassé dans les deux parvis du temple du Seigneur, le roi les détruisit, et il répandit les cendres dans le torrent de Cédron. Le roi profana aussi les hauts lieux qui étaient à Jérusalem, du côté droit de la montagne du Scandale, que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astaroth, idole des Sidoniens, à Camos, le Scandale de Moab, et à Melcom, l'abomination des enfants d'Ammon. Et il brisa les statues et coupa les bois sacrés, et il remplit ces lieux-là d'os de mort. En outre, quant à l'autel même qui était à Bethel, et le haut lieu qu'avait bâti Jéroboam, fils de Nabath, qui fit pécher Israël, il détruisit cet autel et ce haut lieu. Il les brûla et les réduisit en poussière, et il mit aussi le feu au bois sacré. Et se tournant, Josias vit là les sépulcres qui étaient sur la montagne. Et il envoya et prit les os de ces sépulcres et les brûla sur l'autel, et il les profana selon la parole du Seigneur qu'avait dite l'homme de Dieu qui avait prédit ces choses. Et il demanda: Quel est ce tombeau que je vois? Et les citoyens de cette ville lui dirent: C'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui vint de Juda et qui prédit ce que vous avez fait sur l'autel de Bethel. Et il dit: Laissez-le, que personne ne remue ses os. Et ses os demeurèrent intacts avec les os du prophète qui était venu de Samarie. De plus, tous les temples, même des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie, qu'avaient fait les rois d'Israël pour irriter le Seigneur, Josias les détruisit. Et il leur fit selon tout ce qu'il avait fait à Bethel. Et il tua tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là, préposés aux autels, et il brûla des ossements humains sur ses autels, et il retourna à Jérusalem. et il ordonna à tout le peuple, disant, « Faites une Pâque du Seigneur votre Dieu, selon ce qui est écrit dans le livre de cette alliance. » Car il n'a été fait aucune Pâque depuis les jours des juges qui jugèrent Israël, et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda, comme à la 18e année du roi Josias a été faite cette Pâque du Seigneur dans Jérusalem. Mais aussi ceux qui avaient un esprit de Python, les devins et les figures des idoles, les impuretés et les abominations qui avaient été dans la terre de Juda et de Jérusalem, Josias les fit disparaître pour accomplir les paroles de la loi qui sont écrites dans le livre que trouva Helkias le prêtre dans le temple du Seigneur. Il n'y eut point avant Josias de roi semblable, qui soit retourné comme lui au Seigneur, en tout son cœur, en toute son âme et en toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'y en a pas eu de semblable à lui. Cependant, le Seigneur ne revint point de la colère de sa grande fureur, dont fut irritée sa fureur contre Juda, à cause des sujets d'irritation qu'avait provoqué en lui Manassé. C'est pourquoi le Seigneur dit, « Juda aussi, je l'ôterai de devant ma face, comme j'en ai ôté Israël. Et je rejetterai cette ville que j'ai choisie, Jérusalem, et cette maison dont j'ai dit mon nom sera là. » Mais le reste des actions de Josias et tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas écrit dans le livre des actions des jours des rois de Juda? Au jour de Josias, Pharaon Nécao, roi d'Égypte, monta contre le roi des Assyriens vers le fleuve d'Euphrate. Et Josias le roi alla à sa rencontre, et il fut tué à Magédo lorsqu'il l'eut vu. Et ses serviteurs l'enlevèrent, mort de Magédo, le portèrent à Jérusalem et l'ensevelirent dans son sépulcre. Alors le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, et l'oignirent et l'établirent en la place de son père. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il commença à régner, et il régna 3 mois à Jérusalem. Le nom de sa mère était Amital, fille de Jérémie de Lobna, et il fit le mal devant le Seigneur selon tout ce que ses pères avaient fait. Et Pharaon Nécao l'entraîna à Rebla, qui est dans la terre d'Emath, afin qu'il ne régnât point à Jérusalem. Et il imposa une amende au pays de 100 talents d'argent et 1 talent d'or. Et Pharaon Nécao établit roi Éliacim, fils de Josias, en la place de Josias son père. Et il changea son nom en Joachim. Or il prit Joachaz et le conduisit en Égypte, et il y mourut. Joachim donna à Pharaon l'argent et l'or, puisqu'il avait taxé le pays par tête, afin qu'ils fussent apportés ensemble, selon l'ordre de Pharaon. Et il exigea de chacun, selon ses moyens, tant l'argent que l'or du peuple du pays, pour donner à Pharaon Nécao. Joachim avait 25 ans lorsqu'il commença à régner, et il régna 11 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Zébida, fille de Phadaïa de Rouma. Et il fit le mal devant le Seigneur, selon tout ce qu'avaient fait ses pères. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, traduite en français avec des notes par l'abbé Glaire, pour le site jésusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.